Lisa, ne fais pas l'innocente, ne tourne pas la tête comme ça. Tu sais bien que tu devrais venir avec moi. Une nuit et une journée et plus, si affinité. À des dizaines de kilomètres de la grande ville et de Metz, à la campagne que nous aimons tant. Profiter des champs de blé, des poules, des vaches et du soleil d'été. Ouh, un dimanche à la campagne, avec la femme de ma vie. Ouh, un dimanche avec toi mon ange, ma chérie. Et tu ne me dis jamais oui. Une journée à s'embrasser à l'ombre du cerisier, mettant quelques instants nos vies en pause. Comme quand j'étais enfant et que je rêvais d'une fille comme toi. Et même si la nature fait des siennes, même si ça sent le caca, mon amour, toi, tu n'as pas d'odorat. J'aimerais chanter tous tes côtés mignons, mais mon amour pour toi ne tient pas dans une chanson. Ouh, un dimanche à la campagne, avec la femme de ma vie. Un dimanche avec toi mon ange, ma chérie. Mais tu me quittes aujourd'hui.